J'écris commis sur rogatoire, j'avais les condés sur les côtes. T'avais de la chnouna qui coulait, couillon, j'étais déjà sur écoute. Le bon vieux fraîche, la douille, c'était Ocho 9-4. Nos ambitions sont grandes, on a du cran, des armes, des munitions et des soldats sans grade. Dans des endroits qui puent la haisse, j'ai fait du bénéf. Appliqué fort chez nous, personne n'est à S comme un pain en UVF. Y'a pas que des YZ qu'on avait le. Même pour des embrouilles de mer, toujours le West West qui me dit fais-le. Le prod vient de faire béton sur mon cas et sa charme. Versailles, j'ai toujours vu de loin le château, mais de près, j'ai vu la jarre. Y'a ceux qui jactent et ceux qui font, mais ceux qui jactent diront toujours des mecs qui font les choses, ont eu de la chatte. J'les dis, mais j'y p'hello. J'montais au braco, la pite dure comme mon canon. Le bon vieux ici, c'est le calibre qui fait prendre du galon. Entouré de crapules, normal que je sois pas haut. C'est crado, comme un règlement de compte sur l'avenue du Prado. J'ai fait du sale pour du papier. Plein de fois, vis qu'il a tôt, le traîne pas chez nous si t'as papier. Les types sont tous proliqués, ça s'allume pour un différent. Tu connais la routine, concentré tant que le bifirant. J'ai fait du sale pour du papier. Plein de fois, vis qu'il a tôt, le traîne pas chez nous si t'as papier. Les types sont tous broliqués, ça s'allume pour un différent. Tu connais la routine, concentré tant que le bifirant. Faut toujours un pétard de déco. Toujours sorti serein du dépôt. À force de charbonner, j'ai vu des refrains béton. Je vois que t'es bizarre, je te laisserai jamais faire les cons. Tout le gâteau, moi je veux pas qu'écro. Je suis dans le peurage, je suis dans la gueule trop. D'avant je suis condamné, nous on ressort pas du comico. Si c'est rentable, tu m'appelles, je débarque illico. Debout depuis 10 heures, ça raide ma force dans l'illicite, bon vieux. Dans l'holo qu'une issue, pas besoin que je te félicite. J'ai vu des mecs braqués pour un salaire. Des méchants qui ont pas l'air, des meufs en place, des tames qui marchent les fesses à l'air. On rave tout, tu veux you pack up. Dans l'équipe, y'a Gog et Magog. Ça vend la cam dans tous les coins de Paname. Sacré van de galop, commission rogatoire, c'est noir, hamou. Que ça pense au bénéf, pas content quand tu retournes en cellule plus longtemps pour une petite collecte. Les temps sont durs, les anciens sont tipards, je suis toujours prêt de piquard. Je ravitaille le type peu, mais tu peux t'y pars. Si tu fais trop tricard, c'est nous les braves, c'est eux les traves. Mon vieux, on sait qui sont les vrais. De bastos dans le canon scié, sur un par Dieu, toi t'es pas prêt. J'ai fait du sale pour du papier, béton, j'écoute pas toton. Des blasts, des écoutes, bas les couilles, ça te piétine si tu joues au con. J'écoute les conseils du refrain, mais devant la juge, fais l'innocent. Certains t'appellent le sang quand c'est méchant, ça quichotait les jambes. J'ai fait du sale pour du papier. Plein de fois, vis qu'il a tôt, le traîne pas chez nous si t'as papier. Les types sont tous broliqués, ça s'allume pour un différent. Tu connais la routine, concentré tant que le bifirant. J'ai fait du sale pour du papier. Plein de fois, vis qu'il a tôt, le traîne pas chez nous si t'as papier. Les types sont tous broliqués, ça s'allume pour un différent. Tu connais la routine, concentré tant que le bifirant. Faut toujours un pétard de déco. Toujours sorti serein du dépôt. À force de charbonner, j'ai vu des refrains béton. Je vois que t'es bizarre, je te laisserai jamais faire les cons. Tout le gâteau, moi je veux pas qu'écro. Je suis dans le peur, je suis dans la gueule trop. D'avant je suis condamné, nous on ressort pas du comico. Si c'est rentable, tu m'appelles, je débarque illico. Faut toujours un pétard de déco. Toujours sorti serein du dépôt. À force de charbonner, j'ai vu des refrains béton. Je vois que t'es bizarre, je te laisserai jamais faire les cons. Tout le gâteau, moi je veux pas qu'écro. Je suis dans le peur, je suis dans la gueule trop. D'avant je suis condamné, nous on ressort pas du comico. Si c'est rentable, tu m'appelles, je débarque illico. Faut toujours un pétard de déco.